Waaw, jaajëf gaa yi. Kii nag waa NLG Production ñoo fi jaaroon di def seen introduction. En fait dafa amoon benn boy quoi ci benn classe. Léegi boy bi moom bon day toog ay 5 minutes yoo xamante ni day aay aay loo ko wax mu trouvé loo ko wax mu trouvé. Bu 5 minutes yooyu jeexee mu am yeneen 5 minutes yoo xamante ni day nulaat nulaat loo ko wax mu fausser loo ko wax mu fausser boo nee gauche mu jaar droite. Léegi benn jour nag benn lundi matin inspecteur ñëw seen classe quoi xam nga rek inspecteur toog maître bi dugg toog xam nga rek après maître bi posé benn question jékki-jékki ni élève yi qui peut me dire un verbe qui se termine par ir mooy un verbe du troisième groupe quoi rek boy bi naaw monsieur monsieur monsieur monsieur monsieur ah yeneen boy yëpp toog mais maître bi bugg ko interroger parce que wóoluwu ko xamul ci yenn 5 minutes la nekk mais boy bi ki di insister rek monsieur monsieur ah bon prof bi amul solution comme que moom rek moo yëkkati loxoom mu interroger ko rek boy bi commencé mentir sentir dire réfléchir courir convertir bâtir atterrir rek maître bi nan ni mi ngi ci 5 minutes yu baax yi rek maître bi tëb ni ko vas-y continue continue continue rek boy bi enchaîner blanchir agir bénir définir éblouir divertir maître bi ni ko encore continue nekkee 5 minutes yi jeex na tàkk tàkk rek boy bi enchaîner ndir tir xir labir diwtir kawdir biir.